te cu e co perdre la vie. Curo, mais quel secret qu'on va. Ah, lorsque dans mon sein sa voix mourante crie, vers ses ports enchantés, quel Dieu porte les pas. Les dieux inspirent-ils l'affreuse barbarie? Viens, rends ses charmes impuissants. Vois la jeune déesse, idole de mes sens, absurde à nos dieux. Malheureux, connais ton erreur. Dans ce mouvant cristal où se peint le rivage, uni avec la tienne, observe mon image. Tu m'entends, je presse ton cœur. De deux sens à la fois, reçois le témoignage. Toi-même était l'objet de ta funeste ardeur.